D2M au taquet, que va-t-il se passer? D2M va balancer, que va-t-il arriver? D2M au taquet, que va-t-il se passer? Je ne peux m'arrêter, je veux encore chanter. D2M va balancer, que va-t-il nous arriver? D2M va balancer, que va-t-il se passer? Je veux vous voir sauter, je veux vous voir bouger. Je veux vous voir sauter, je veux vous voir bouger. D2M au taquet, je ne peux m'arrêter, je veux encore chanter, que va-t-il se passer? D2M va balancer, que va-t-il vous révéler? D2M au taquet, je ne peux m'arrêter. D2M va balancer, que va-t-il vous arriver? Je veux vous voir sauter, je veux vous voir bouger. D2M au taquet.